sale. Dougou les mêmes gadgets qu'avec de la side. La journée je commande, j'ai l'inspiration nostalgique qui survient dans la night. Ton plan d'attaque est facile, je le connais. Tu parles des tonnes si t'as plus de molaires. Ton blaze, on n'est pas simple à redorer. Un pin, c'est la fête pulmonaire. Je te paye pas pour parler, yeah. Moi j'avance vite comme Harley, yeah. La confiance, lui, c'est sacré, mais faut recompter le plus que t'as fait hier. Avec des filles, je refais le monde. Avec des filles, je remplis le compte. Avec rappelle-moi, je suis au state. Au casting du prochain King Kong. Je métisse donc, je meurs au milieu. Tu filmes au moment où c'est le mieux. Avant que je parte, je fais un vœu. Faire du bif en dormant, mourir vieux. Dans ma city, tout comme dans mes deux espèces. Je suis numéro Tagada, arrive aux fesses. Y'a pas chez moi car les paris gosses blessent. J'ai les mêmes compteurs que t'arrives au West. Équipé blanche, noire, arabe. Métissé grand comme Varane. J'ai mis un but de malade. Donc j'attire les putes sur Paname. Je me tiens à pompier, je bois comme un keuf. 3 litres de plombée, je suis rond comme un bœuf. Je suis dans la stuff, j'enroule neuf. T'es pas mon ref, le fit est rush. C'est Evuk Bata. Si tu voulais rire, casse-toi. J'entends les commères à des kilomètres raconter de la merde pour les noix et je tire la chasse. Pourquoi tu montes le prix de la passe alors que tu pues de la chatte? Sans qu'on me connaisse, en restant frêle comme un mec obèse, j'ai toujours pris de la place. Je veux ma femme de ménage et une femme de ménage. Je veux ma femme de ménage et une femme de ménage. Je veux ma femme de ménage et une femme de ménage. Je veux ma femme de ménage et une femme de ménage. Jeune et talentueux comme Jaden Smith. Oh oui, papa me dit qu'on se transfère ça que en fils. Oh oui, je fais de la magie quand je fais ce que j'aime. Ça fait des billets, j'ai transformé les cent mille et mille en centaines de milliers. Je fais des signes de gang dans la chambre. Des grosses liasses sur le hit, de la stripe dans la chambre. Et ça devient trop lassant, je repars découper dans le studio. Prépare la potion, je fais des gros sous, m'empête de la caution. Tu feras attention, remontada, tu perces la sanction. J'remplis ma fonction, je dois augmenter le bénéfice, la caution. Je suis sur tous les terrains comme la tête. Le rap en vrai, c'est une option. C'est Evuk Bata. Si tu voulais rire, casse-toi. J'entends les commères à des kilomètres raconter de la merde pour les noix et je tire la chasse. Pourquoi tu montes le prix de la passe alors que tu pues de la chatte? Sans qu'on me connaisse, en restant frêle comme un mec obèse, j'ai toujours pris de la place. Je veux ma femme de ménage et une femme de ménage. Je veux ma femme de ménage et une femme de ménage. Je veux ma femme de ménage et une femme de ménage. Je veux ma femme de ménage et une femme de ménage. Je sais que l'argent ne fait pas le bonhomme. Je serais content dans un yacht. Faire tellement dans une seule vie. La maison est si grande. Je vois femme de ménage et une